Car il y avait des tas dans la ville. Il faut qu'on s'éloigne. Des zombies, on avait des tas dans la ville. Il faut qu'on s'évade. Trop tard, il y avait des toiles dans la ville. Il faut qu'on s'éloigne. Des zombies, on avait des tas dans la ville. De mon côté, c'est noir. Comme Black Ops, fusil à peu pour comme Black Ops. Comme Black Ops, Kalachnikov comme dans Black Ops. C'est qui con, qui comme dans Black Ops. On t'allume ta mère comme dans Black Ops. Des chevrons, chine comme dans Black Ops. On pull up le terrain d'en face comme dans Black Ops. Toujours pensé, c'est que c'est ce que l'ancien m'a dit. Donc en cas de galère, moi je les ai sous mon jean. La hesse nous lâche pas l'impression d'être maudit. Seul issue l'argent sale, mentalité taudie. Plafond indica, j'y vais sans réfléchir. Car même après réflexion, je sais que réfléchir. C'est même plus une passion quand je regarde le fou. Je me demande juste si gagne combien Nabil fait tir. Un deux temps c'est plus que c'était. Quand on voit un passage, maintenant t'as ladré. Le bruit du moteur fait penser à la mort. On voit déjà le message de revoir à ta madré. Et tant que tu disais que t'allais pas me voir fumer. Faire ce genre de choses, moi ça me ressemblait pas. Le temps est passé, désormais j'ai grandi. À tout moment, tu peux me croiser avec mon fils. Il y avait des tas dans la ville, il faut qu'on s'éloigne. Des zombies, on avait des tas dans la ville, il faut qu'on s'évade. Trop tard, il y avait des toiles dans la ville, il faut qu'on s'éloigne. Des zombies, on avait des tas dans la ville, de mon côté c'est noir. Comme Black Ops, fusil à peu pour comme Black Ops. Comme Black Ops, Kalachnikov comme dans Black Ops. C'est qui con, qui comme dans Black Ops. On t'allume ta mère comme dans Black Ops. Des chevrons, chine comme dans Black Ops. On pull up le terrain d'en face comme dans Black Ops. On arrive à deux, en vrai on est six avec le pétard et les balles qui vont avec. Un fusil à peu pour comme Black Ops. S'il y a un problème on va jouer avec. Saxo comme canette et y'a pas de palette. Je suis vers Rotterdam, j'ai pris 4 galettes. Dans les jazz panettes, j'ai un tas de mallettes. De toute façon j'ai mon peupon en 4 galères chez la nourrice. Bah j'ai tout mis. Très peu sont les gens qui nous nourrissent. Faut que ces putains pourrissent et que ça coulisse. Pendant le film y'avait personne dans les coulisses. Hein. Nouvelle cargaison de Kit Kat. Y'en a un tas, j'ai pris 2-4-4. C'est un patate qui a 2 balles 4. Donc les parts seront coupées sur le 4-4. Attaché comme les Scooby-Doo. La patate m'a donné le goût. J'marche qu'avec ceux qui font les sous. Ceux qui font les sous. Ceux qui font les fous. On attend plus fort, on fait cracher les douilles. Tellement le terrain débute, j'en rigole tout ça. J'sais plus qui bosse pour moi, mais y'a l'oseille qui rentre. J'ai mis 8 grammes dans les blocs à 50. On se met en perte à mort pour qu'il y a plus de clients. J'suis dans le F8 Ferrari, y'a trop de chevaux, sa mère. Siège en cœur, putain, j'ai fait trop de boulettes. La caution va sauter, sa mère sur le caillou. Détail au moins 30 minutes. Mais découvrira tout le monde, même si j'suis recherché jusqu'au Japon. J'ai le ballon, la plupart dans le rap sont mes pistons. J'récupère le bon pilon, mais j'suis distrait. J'm'entends des fois, mais j'peux pas casser ma sim. Nique sa mère, demain j'replace un petit. Les sous d'hier, il faut j'les rentabilise. Pas d'organiser, t'es tramé, on perd son chiffre. Trop tard, il y avait des tas dans la ville. Il faut qu'on s'éloigne. Des zombies, on avait des tas dans la ville. Il faut qu'on s'évade. Trop tard, il y avait des toiles dans la ville. Il faut qu'on s'éloigne. Des zombies, on avait des tas dans la ville. De mon côté, c'est noir. Comme Black Ops, fusil à peu pour comme Black Ops. Comme Black Ops, Kalachnikov comme dans Black Ops. C'est qui con, qui comme dans Black Ops. On t'allume ta mère comme dans Black Ops. Des chevrons, chine comme dans Black Ops. On pull up le terrain d'en face comme dans Black Ops.